Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, la fin du monde et nous, tous survivalistes. Une série de Nejma Bouakra réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a le réchauffement climatique qui nous murmure la fin du monde à l'oreille et tout un tas de scénarios catastrophes avec épidémies, pluies de sauterelles et comètes folles. Alors pour se rassurer, on peut commencer par vivre mieux et en bonne intelligence avec la nature. Alors pour commencer, les personnages. Un prof de chasse, une petite fille de paysan, un instructeur sur la brèche, un ancien scout, un ancien colonel, des policiers en week-end, une collapso amoureuse, un chercheur qui prédit le pire et un agriculteur expérimenté. Ensuite le décor, des pièges tendus, la survie, la forêt, des abris, un couteau de poche, l'autonomie, des chiens, des souvenirs de commando, une maison de pierre, la permaculture, la ville comme un repoussoir, des arbres fruitiers, des confitures, une poule et son œuf, du compost et des lombrics. Aujourd'hui, 4e épisode, une petite balade. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une initiation au piégeage, d'accord? Alors évidemment, quand on se retrouve en survie, les gens tout de suite ont tendance à dire « Oui, mais alors, en survie, il va falloir chasser, piéger, etc. etc. » Chasser, c'est compliqué. Alors évidemment, si je me retrouve en survie, je vais essayer, c'est évident. Donc, on va plutôt là aborder le piégeage. On parle souvent de lignes de piégeage, d'accord? Dans le Grand Nord, par exemple, ils ont, imaginons, une piste, et tout le long de cette piste, ils vont mettre, à intervalles réguliers, des pièges. Bah forcément, si j'en mets 10, j'aurai 10 fois plus de chances d'attraper quelque chose. Ça se comprend assez facilement. Donc maintenant, je vais laisser la main à Sébastien, qui va vous expliquer et vous détailler le piège qu'il a mis en place. Ici, dans le secteur, on est sur des épicéas, des douglas. Je sais qu'il y a du macro mammifère, thil, écureuil. Donc du coup, moi, j'ai mis en place un piège assommoir avec matériel. C'est un piège apâté. Apâté, oui. J'ai mis des pommes de pin. On sait tous que les petits écureuils, ils aiment ça. Et tout ce qui est rongeur, ils aiment bien les écorces fraîches. Donc, j'ai gratté un morceau de bois de buis et j'ai mis des écorces dessus. L'idée, c'est que le poids de la pierre, donc qui engendre une masse ici, une pression sur mon bâton là, qui sert à bascule, et qui est répercuté ici sur ma cordelette jusqu'à ma détente. Ce petit bout de bois là. Il fonctionne. On va essayer. Qui joue l'écureuil? Donc là, c'est sûr qu'on voit la pierre tomber, on a l'impression qu'elle tombe doucement. Et si vous vous replacez dans l'échelle, c'est comme si nous, on se baladait dans la rue quelque part en ville et qu'il y avait tout d'un coup un immeuble de 2 étages qui tombait, quoi. D'accord ? Il n'est pas tout écrasé, l'écureuil ? Bah, il sera certainement peut-être un peu amoché, mais en tout cas, à un moment donné, il faut faire un choix. Et mon choix, il est fait. Mon choix, c'est de survivre. À la recherche de l'autonomie. Nejma Bouakra, Yvon Croisier. Loin de la civilisation empoisonnée, il fuit et seul arpente la terre pour se perdre en pleine nature. Approchez, approchez. Donc là, l'objectif pour vous, ça va être de réaliser Alors là, de faire appel à votre mémoire d'enfant, alors vous prenez le temps nécessaire, c'est de faire un abri pour une personne. D'accord ? Imaginons, vous étiez en rando, vous vous êtes perdu, vous savez que le soleil dans 2 heures va disparaître et vous allez vous retrouver dans l'obscurité, donc vous décidez de passer la nuit sur le terrain et donc vous devez vous aménager un abri naturel. Ok ? Vous avez le droit d'utiliser vos couteaux, mais pas de lien. Ok, bah il est 11h, c'est parti. Un truc simple. Il fait tiers par ton alarme. Parce que là, on est 3 pour une personne, mais imagine, toi, t'es tout seul. Ouais, on est d'accord. Donc, parfait, on part là-dessus. Une fêtière avec un roi côté sur le sol, un côté sur l'arbre. Et il ne faut pas trouver de quoi le mettre au-dessus et faire les tiers. Ouais. Ok, il faut qu'on trouve un terrain plat. Un terrain plat. Parce que moi, j'ai jamais réussi à dormir dans une tente. On peut monter. On peut remonter. Martinette, vous êtes née quasi avec l'idée de l'autonomie, c'est-à-dire que toute petite fille, vous pensiez déjà à l'autonomie. Alors, je suis née dans une famille où les gens étaient naturellement autonomes déjà. Naturellement autonomes. Mon grand-père était autonome. En fait, il est né dans une famille paysanne et dès qu'il a pu s'installer lui-même, il a tout fait pour être autonome. Il n'était pas paysan, il travaillait au pont-chaussée. Mais tout était fait pour rendre sa vie la plus agréable possible. Il avait son carré de vigne, il n'était pas énorme, 1000 mètres. Il avait un bois qui lui permet de se chauffer toute la vie. Il avait un verger, un potager, des ruches. Il faisait donc son vin, il faisait ses conserves, son cochon une fois par an, ses céréales aussi. D'ailleurs, parfois, je fais appel à mes souvenirs parce que j'ai pas posé assez de questions. Par exemple, le blé, on aimerait bien arriver à faire notre farine. Et je les ai vus monter les sacs de blé au grenier. Je les ai vus taper sur les sacs avec un fléau pour séparer le grain de l'enveloppe. Il y a des choses qui se sont oubliées avec le temps et avec les techniques modernes. Et d'autres choses qui se sont sédimentées parce que vous avez repris ce chemin-là. J'ai repris ce chemin-là. Je suis psychologue de formation, mais toute ma vie, j'ai souhaité être autonome de la même manière. J'ai vu quelque chose quand j'étais toute petite à la télévision, probablement une émission ou une série pour enfants, où on voyait une maison en moyenne montagne en bois, avec un torrent, une aube, des gens qui faisaient la lessive dehors, le jardin. Et j'avais dit à ma mère, je devais avoir 5-6 ans, je lui avais dit, je veux ça. J'ai commencé ma vie d'adulte en disant je veux ça. Alors c'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens. Mais notre grand-père, il nous disait à tous, vous partez de la maison, vous achetez une maison. Et mon frère, moi, mes cousins, tout le monde a fait la même chose. Parce qu'il nous avait vraiment inculqué ça de façon très profonde. Julien, vous êtes formateur, instructeur, oui. Dire. Mmh. Instructeur donc en vie bushcraft, en survie. Oui, tout à fait. Ouais. Vous étiez un commando, on peut dire ça. Ça vous semble pas un peu du pipi de chat tout ça là aujourd'hui? Non, pourquoi? Vous, ça vous semble du pipi de chat? Si vous sautiez d'hélicoptère et que vous plongiez ensuite dans la mer pour déminer je ne sais quelle côte, là, faire un petit abri dessous les bois, ça paraît un jeu d'enfant. Ouais, mais bon, avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Est-ce qu'on peut transformer un urbain? Est-ce qu'on peut réimplanter, réenraciner un urbain dans la forêt? Certainement que c'est possible de le faire, parce que l'histoire nous le montre bien. Hein, y a plein de gens qui étaient vraiment des gens des villes, qui se sont retrouvés dans des situations critiques, des situations de survie. Enfin, vraiment en pleine nature, et qui ont réussi à survivre parce qu'ils ont réussi à mettre en œuvre ce qui était certainement inscrit dans leur ADN le plus profond, à faire ressortir peut-être un peu leur côté animal, je dirais, et donc ils ont réussi à revivre en pleine nature, réapprendre à vivre en pleine nature. Alors là, pour le coup, par la force des choses, mais à partir du moment où on a la volonté de le faire, de réapprendre, on peut apprendre à tout âge. Est-ce que Jean-Louis est en train de s'adapter là. On voit manier une immense branche. Ça va Jean-Louis? Bah oui, ça va. Pourrait être pire. Pourrait tomber de la merde avec des pierres plates. Bon, ça va pas passer à la radio. Bon, c'est dommage. C'est un jeu d'enfant pour vous? Non, c'est des vieux souvenirs de scout. Vous êtes prêt à dormir là ce soir, sous la neige? On n'a pas le choix, oui. Maintenant, je préfère quand même une cheminée, un feu de bois et un verre de whisky. Et pourquoi se mettre à l'épreuve? Alors, c'est pas se mettre à l'épreuve, c'est retrouver des sensations et des choses que j'ai connues il y a quelques années et que la vie, l'évolution de la vie vous font perdre un petit peu de vue. Donc c'est sympa de revenir à des fondamentaux. C'est pas mon côté Jack London, l'appel de la forêt. Mais... Attention, il y a une chute de neige ce soir. Oui, puis, il y aura des chutes de neige, on fera avec. Alors, là, on dans votre vie, vous avez été face à des conditions un peu extrêmes? En étant militaire, oui. Maintenant, c'est pas du tout du bushcraft ou de la randonnée sur 3-4 jours. C'est un autre contexte. La nature est dangereuse, mais la nature vous tire pas dessus. Donc, c'est pas tout à fait le même contexte. Vous étiez colonel, c'est ça? Alors, j'ai terminé lieutenant-colonel. Ouais. Attention au matériel. On va continuer comme ça. On va prendre appui. Vous êtes plutôt un homme des villes ou un homme des campagnes? Oh, des campagnes. Même si je suis né à Paris, que j'ai vécu jusqu'à 21 ans à Paris, comme j'ai commencé à faire du scoutisme à l'âge de 8 ou 9 ans et j'ai dû m'arrêter à 17, je suis beaucoup plus nature que ville. La ville, c'est un... Voilà, on y vit, on y travaille, parce qu'on ne peut pas forcément faire forcément autrement. Mais c'est pas ma tasse de thé. On commence à être pas trop mal. À quoi ressemble votre nouvelle maison, Flora? Alors, ma nouvelle maison, c'est une maison en pierre, assez ancienne, assez grande, qui, en fait, était une ferme, et depuis 2012, qui a été réinvestie par Mathieu, mon compagnon, qui donc a créé autour de cette maison une ferme en permaculture, notamment sur un terrain très en pente, sur lequel il a construit, il a fait des baissières, des buttes. Et donc c'est ce terrain, ces buttes qui donnent aujourd'hui notre verger en permaculture, dans lequel il y a plein d'arbres fruitiers, il y a des fleurs, il y a des arbustes. Et il y a nos brebis qui paissent, il y a un poney, et il y a tout un écosystème qui se développe aussi, des oiseaux qui reviennent. Beaucoup de poésie en fait, des plaisirs simples. Vous découvrez la vie des champs? Je découvre la vie des champs, et je découvre vraiment le plaisir de regarder la vie se dérouler et se déployer. Je découvre ma vie des champs aussi, je me découvre moi dans ce milieu-là, qui est d'une richesse qu'on voit très peu en ville. Et je découvre surtout ce que c'est de reconnecter à la terre de manière très pratique, très organique, très concrète. C'est vraiment quelque chose de physique, de pas avoir de béton sous ses pieds, mais vraiment la terre, la pelouse. Parce que Flora, vous étiez plutôt une urbaine. Alors moi, j'étais complètement urbaine. J'ai grandi en région parisienne. Je fais de la communication, donc je suis aussi très connectée à la toile. Et je me sentais un peu hors sol, un peu déconnectée justement de ce qui me semblait important et des constats que je faisais. Comment est-ce que vous ressentez ce décrochage? À quel moment vous sentez que vous vous décrochez de votre vie d'avant? Ce décrochage de ma vie d'avant, je l'ai senti progressif. Au fur et à mesure de ma prise de conscience écologiste et d'une réflexion personnelle sur moi-même, où j'en étais, ce que j'avais envie de faire de ma vie, les valeurs qui étaient importantes pour moi, et d'un besoin très très fort de cohérence, de réduire les dissonances cognitives qui existent entre les constats qu'on pose, les idées qu'on a, les valeurs qu'on défend et le mode de vie dans lequel on est pris au quotidien, accéléré par des rencontres. C'est toujours des rencontres qui me font bouger, parce qu'elles viennent percoler le cheminement que justement je suis en train de suivre. Et là, le vrai moment de transition que j'ai connu récemment, c'est la rencontre avec Mathieu, qui est venu me révéler ce que je savais déjà, c'est-à-dire que je ne pouvais plus faire semblant, je ne pouvais plus supporter les bruits, la foule, la pollution de la ville. Et surtout, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'un mode de vie plus sobre, plus résilient. J'avais envie de pouvoir me réveiller le matin et d'entendre autre chose que les bruits de la ville. Et puis de revenir à une simplicité, à réduire mes besoins et à prendre conscience que j'étais voilà, dans des contradictions moi-même dans ce mode de vie urbain. Semble bien votre abri ? Nous, on est plutôt satisfaits pour l'instant. Au niveau de la facilité de l'architecture, on a mis tout, on s'est servi du gros tronc là, on a regardé qu'il n'y ait pas d'arbres morts. C'est un type indien là un peu, hein. On s'inspire un peu de ça. Et puis on a même mis une petite plante à l'intérieur, un petit buis. Et on a même trouvé un petit chien qu'on a mis à l'intérieur. Et les gars, ils se sentent bien à l'intérieur. Hein. Où étiez-vous il y a 4 jours, Franck ? On était à Paris. Travail. On était du matin, gros. Midi, ouais, on travaillait à Gare de Lyon en ce moment même. Midi, on est en train de faire le rapport de l'AMC. C'est une main courante, j'en ai l'air de tous les événements qu'on a. Donc dans la semaine, vous êtes policier et le week-end on est dans la sûreté ferroviaire, la police ferroviaire SNCF. Vous imaginez pouvoir devenir des hommes des bois? Ouais. Mais déjà, rien que d'être autonome dans un milieu un peu hostile quand même, faut le dire. C'est vrai que cette nuit, c'était une première pour moi. J'ai mis à peu près 2 heures pour m'endormir parce que j'avais froid. Mais j'en suis content. C'est comme un accomplissement de soi en fait. Qu'est-ce que vous fuyez ? Les grandes agglomérations. Comme nous on l'appelle la fourmilière. Mmh. Où tout le monde se croise. On se dit pas bonjour, on se bouscule. Enfin, c'est vrai qu'on est souvent, peut-être par rapport à la tenue aussi, mais susceptible de se faire insulter. Et c'est vrai que moi, dans mon métier, je gère constamment des conflits entre hommes. C'est constamment ça tout le temps. Et ça va faire 9 ans que je fais ça. Enfin, c'est de pire en pire, hein, clairement. Clairement, c'est de pire en pire. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai besoin, pour avoir un équilibre plus ou moins stable, d'avoir une proximité avec le monde rural. Vous craignez que ça déraille, qu'il y ait des tensions telles que vous ne puissiez pas échapper finalement à cette violence urbaine ? C'est déjà arrivé. Là, récemment, par exemple, rien que pour les gilets jaunes, on fait un amalgame de gilets jaunes, mais nous, par exemple, en gare, on voit la première vague de gilets jaunes qui arrive pour prendre les trains et rentrer chez eux. Et ensuite, on voit la seconde vague de gens qui, je pense, ne partagent pas les idées des gilets jaunes, sont là que pour casser et piller. Et avec qui, souvent, on a des conflits. Est-ce que vous craignez la catastrophe en vous préparant peut-être à une catastrophe ? Franchement, ouais. Clairement, ouais. Il y a un fossé tel entre les communautés, nous, on le voit dans le train. Le RERD, c'est un de nos trains. On se rend compte tout de suite qu'on ne se mélange pas. Et il suffirait d'une petite étincelle qui divise et vraiment qui éclate. Je pense que ouais, la guerre civile, on n'y serait pas loin en tout cas. Et dans ce cas-là, vous vous préparez à quoi ? Ben, ce stage n'est pas anodin. Voilà. C'est que si on a quelques connaissances, on pourrait le faire partager et le transmettre à notre famille, à des gens, à nos enfants par exemple. Et si un jour ça part, on sait qu'ils auraient un moyen de repli rapidement. Valérie semble d'accord avec vous. Elle fait un petit pouce de l'autre côté des branchages. Oui. Vous trouvez qu'il parle bien ? Oui, je trouvais qu'il parlait très bien. Et Voilà. Et en fait, ça me faisait penser qu'on recherche en fait tous un peu la même chose. C'est de l'humain. On est dans une société où les égos priment. Alors que là, on retrouve justement les valeurs humaines. On est trois, nous a demandé de faire un abri. On ne se connaît pas. Il y a eu trois mots de prononcés et on a fait notre abri. On ne s'est même pas consulté, mais voilà. Et en fait, c'est ça. C'est en fait retrouver une communion. Je pense que la nature, ça nous permet ça, de retrouver la communion et la communion entre humains. Ce désir d'enracinement, vous l'avez ? Je l'ai d'autant plus que j'ai beaucoup voyagé et en fait je reviens sur ma terre natale et oui, il y a besoin de cet ancrage parce qu'on peut prendre soin de choses que l'on aime et je me suis rendu compte qu'en bougeant beaucoup, c'est très intéressant, mais on ne peut pas prendre soin de la terre qu'on aime et d'être en contact avec la nature. Dernièrement, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à regarder. Enfin, j'ai réappris. J'ai toujours eu une grande capacité d'émerveillement, mais là, elle s'aiguise vraiment à vitesse grand V. J'ai appris à reconnaître les arbres. En fait, ils faisaient partie du paysage, mais je les détaillais pas. Donc j'ai appris à reconnaître les arbres, j'ai appris à faire de la vannerie sauvage, donc à faire des paniers. J'ai appris aussi à faire de la greffe fruitière. Greffer sur un arbre existant une autre variété pour changer ses fruits. C'est incroyable. Alors je me suis un peu entaillée, c'était pas évident, j'en ai raté quelques-unes... Mais c'était absolument passionnant et ça va être passionnant aussi de voir ce qui a pris, pas pris. Et si je donne un exemple concret, c'est greffer de la mirabelle sur un prunier sauvage. Cette rencontre avec Mathieu, c'est un hasard ? Cette rencontre avec Mathieu, c'est pas un hasard, en fait, je crois pas au hasard. J'aime beaucoup cette phrase de Paul Éluard qui dit qu'il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Je pense que j'avais rendez-vous avec Mathieu, mais je le savais pas. Je lui disais souvent, au tout début de notre histoire, que j'avais l'impression d'avoir trouvé une aiguille dans une botte de foin. Mais il fallait d'abord trouver la botte. C'est plutôt un ensemble de choses qui se sont enchaînées, qui m'ont fait aussi aller sur ce groupe, sur les réseaux sociaux sur lequel je l'ai rencontré, qui s'appelle Adopte un Collapso, qui est parti d'une boutade d'un groupe d'amis qui se disait « Quand on s'intéresse aux questions d'effondrement, on est quand même difficilement casable. » Donc les sites de rencontre, ça colle pas tout à fait avec ni nos aspirations, ni nos centres d'intérêt. Et ben j'ai rencontré comme ça Mathieu au tout début, puisqu'il s'est présenté sur le groupe, en faisant une petite annonce que j'ai trouvée à la fois caustique, drôle et terriblement vulnérable. Il racontait qu'en gros, il avait tout ce qu'il fallait si demain tout s'effondrait, mais qu'en attendant, il était tout seul comme un con dans le Cantal. Et je l'ai contacté, on a commencé à se parler. J'ai eu l'idée assez rapidement de lui proposer d'organiser un week-end avec une dizaine de personnes chez lui pour venir voir nous, urbains déconnectés en quête de nature... des gens comme toi, qui ont des lieux de résilience, des îlots de résilience, mais sont assez isolés. Et ce qui m'a le plus troublée, c'est que je me suis immédiatement sentie chez moi. Quand il nous racontait comment il avait construit les choses, fait pousser, planter. Et en fait, je me souviens lui avoir dit, alors que ça faisait 2 jours qu'on se connaissait, « Mais je me vois vivre ici ». Je pense que c'est vraiment pas un hasard, puisque c'était un moment où, et lui et moi, on était prêts à faire une rencontre de ce type-là, intense, profonde, où on partage des constats et des valeurs essentielles pour nous, et où, quelque part, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas envie de se perdre en fioritures, en séduction. On a tout de suite discuté des choses importantes. On partageait, pour moi, ce qui était vraiment important. Pas de temps à perdre, pourquoi, Flora ? Pas de temps à perdre vu l'urgence, l'imminence d'une forme de chaos qu'on voit déjà poindre. On est tous les deux très intéressés par les questions d'effondrement, bien qu'on soit conscient de ne pas savoir exactement par où ça arrivera, comment, à quel moment. On a envie, voilà, de se soutenir, d'être l'un avec l'autre, aussi pour préparer ces difficultés qu'on sent venir. Pablo Servigne, collapsologue, s'enraciner, aller vers une certaine autonomie, c'est reprendre des forces ? Oui, je pense. Enfin, en tout cas, de manière générale, ressentir profondément les liens d'interdépendance avec les humains et avec les autres espèces, si on arrive à ressentir ça profondément, ça crée un soulagement, un apaisement, une joie, une gratitude, quelque chose, plein de sentiments qui nous rendent plus résilients, qui nous permettent de tenir debout face aux tempêtes et qui nous montrent qu'on n'est pas seul. Et de voir dans les autres qu'humains, les animaux, les plantes, les champignons, les bactéries, etc., non pas des objets ou des ressources qu'on peut puiser, mais des partenaires potentiels, des êtres qui peuvent nous aider en cas de coup dur pour traverser ces tempêtes, ça fait un bien fou. Et c'est un changement de regard, un changement d'horizon, un changement d'ontologie, disent les philosophes, qui est magnifique et qui peut arriver très vite. Après, il y a la question de l'autonomie. Ça, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Autonomie égale autarcie, égale repli sur soi. Autonomie, qu'est-ce que c'est? On peut pas être autonome tout seul. Donc voilà, c'est compliqué. Enfin, autonomie, si on revient à l'étymologie, autonomos, faire ses propres lois, ses propres règles. Capacité de décider, de prendre en main son destin, ça ne peut pas se faire tout seul. L'autonomie, elle est forcément collective. Dans cette nouvelle maison, y a déjà de nouveaux liens. Déjà, il y a la relation avec Mathieu, qui est d'une beauté que moi, je n'ai jamais connue. Il y a aussi les relations qu'on noue avec nos proches voisins, qui partagent aussi les mêmes préoccupations. Un exemple, Mathieu régulièrement n'a pas le temps de transformer tous les fruits qu'il récolte pour en faire des sirops ou des conserves, de la confiture, enfin des choses qui permettent de garder, de conserver les fruits et de les manger pendant tout l'hiver. Ben, régulièrement, il y a des gens autour de nous qui viennent ramasser, transformer et qui lui donnent une partie de ses conserves en échange des fruits qui sont venus ramasser. Il y a vraiment cette idée d'échanger avec l'autre, de se confronter parfois avec l'autre dans ce qu'il vit, dans ce qu'on vit, et d'être capable ensemble de construire ce qui va être notre vie de demain, qui sera une vie dans laquelle cette entraide, cette solidarité, ce sera pas juste un mot ou une théorie, ce sera une nécessité. La question de la terre est importante, c'est-à-dire que ça a un certain coût, la terre. Se rétablir. Pablo Servigne. Oui, les jeunes n'ont pas forcément l'argent. Après, il y a des zones où c'est pas cher encore, mais il y a beaucoup de verrous juridiques, financiers, institutionnels, psychologiques. Tiens, c'est qui? C'est néo-bobo, hippie, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Mais c'est vrai que c'est un enjeu. C'est un enjeu à la fois parce que les terres sont de plus en plus meurtries et dégradé et pollué, et à la fois parce qu'il y a un enjeu foncier. Les riches, s'ils prennent conscience de tout ce qui arrive, forcément ils vont se ruer avec beaucoup des millions d'euros, ils vont se ruer sur des terres et les racheter. Donc il y a vraiment un verrou, il y a une lutte en fait, il y a un rapport de force à ce niveau-là à créer, et encore une fois, ça passe que par le collectif. Alors oui, il faut se donner les moyens d'avoir un terrain. Et les jeunes qui arrivent et qui nous disent « mais comment vous faites ?», je les envoie dans les mairies pour les jardins partagés, les jardins familiaux. Je leur conseille de faire des annonces chez les commerçants pour trouver des terrains chez les personnes âgées qui ne peuvent plus cultiver pour pouvoir partager. Parce qu'il y a énormément de gens qui n'y arrivent plus et qui seraient contents de partager des outils, du terrain, de l'eau avec des jeunes. Et on fait aussi beaucoup de partage de graines. Quand on garde les graines, on n'en garde pas que pour nous, on en garde pour une dizaine, une centaine de personnes selon les années. Dans ce réseau de personnes qui cultivent l'autonomie, l'idée c'est de partager et de partager gratuitement. Tout à fait. Vous Pareil. Êtes combien en France? Parce que vous êtes un peu méfiant, hein, c'était difficile de vous rencontrer. On est en France, sur le groupe on est 55 000. C'est donc l'autonomie est la clé de notre futur. Et sur ces 55 000, il y a à peu près 30 000 personnes françaises. Votre idée, c'est qu'on peut pratiquement tout réaliser soi-même, quasiment. Eh bien, par exemple, la couture, c'est quelque chose qui se réapprend auprès des jeunes. Et au niveau du groupe thématique de la couture, on a plusieurs anciennes qui apprennent aux jeunes, qui montrent l'exemple. On a un groupe thématique autour de la fromagerie, là, c'est passionnant. Les gens apprennent à faire des tas de fromages. On a un groupe thématique autour de la boulangerie et de la pâtisserie. Alors, la boulangerie et la pâtisserie, on peut toujours être gourmand quand on est autonome. Oh bah, carrément. Carrément. D'ailleurs, l'autonomie, c'est aussi synonyme de très très bonne bouffe. On va ramasser les morilles, on se fait un poulet morille, par exemple. Un bon poulet bio, c'est quelque chose de très cher, il me semble, si on l'achète. Vous tentez du coup de sortir un petit peu du système ? On tente surtout de ne pas utiliser les supermarchés. On utilise des produits locaux. Alors, il nous reste à acheter la farine, le sucre, l'huile pour le moment, parce qu'on est en train de... Je viens de commander la presse à huile. Et donc, un jour, on fera aussi notre farine. Je vous cherche un petit peu, Marinette, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes une femme émancipée si vous faites les travaux des champs, la couture, la cuisine ? Et l'éducation un petit peu, parce que vous partagez vos savoirs. Alors, la cuisine, je m'entoure de beaucoup d'outils performants. Il ne faut pas voir les travaux des champs et les travaux de la maison comme on les voyait autrefois en faisant tout à la main. Moi, quand je fais du coulis de tomates, j'en ai à peu près pour 10 minutes pour remplir une casserole de 40 litres en le mixant en robot et je le mets à cuire et je fais autre chose. Et on stérilise tout ça et... Pour pouvoir avoir des plats consommables toute l'année et qui permettent d'être en autonomie quasi totale. Alors, ici, en fait, on parle de permaculture ou d'autonomie perméable. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'objectif de faire un lieu en autarcie, c'est plutôt de faire un lieu qui respecte la nature, sur lequel on peut se nourrir, se chauffer, enfin, subvenir à tous les besoins, mais en étant toujours corrélé avec la société, avec le reste. Et une des choses que je fais en grosse quantité, c'est de gérer des déchets qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est ces caisses qui sont récupérées, amenées ici. Le premier truc qu'on va faire, enfin sur ce type de déchets, c'est qu'on va aller les donner aux poules. Donc aujourd'hui, elles vont manger de la salade. Donc elles ne sont pas folles, hein, elles me voient y arriver. Ça, c'est un peu ma mascotte. Parce que cette poule, elle m'a donné énormément de poussins. Pas les siens, mais en fait, elle était en train de couver là. Elle couve tout ce qui passe. Et on obtient ce petit miracle de la nature, qui est un œuf. Donc c'est quand même fabuleux qu'une poule qui fait 1 kg, en mangeant entre 120 et 160 grammes de matière par jour, arrive à sortir un œuf de 40 grammes. Quoi. On dit bête comme une poule, mais c'est difficile de faire un animal qui soit capable en fait d'un rendement aussi incroyable que celui-là. Donc ce jardin il a une histoire. C'est que quand je suis arrivé ici, je leur ai expliqué que c'était très bien tout ce qu'ils faisaient, tous les voisins faisaient, mais que ça ne m'intéressait pas trop, par exemple, d'abattre des arbres pour me chauffer, et que je voulais vraiment essayer de respecter un maximum la nature. Et donc je leur ai expliqué que j'allais me chauffer avec de la décomposition de bois, avec un procédé qui s'appelle le procédé Jeanpin, et qui consiste à empiler du bois fraîchement coupé, et donc d'entasser ce bois et d'en tirer de la chaleur. Alors bon, ils ont tous bien rigolé quand je leur ai expliqué que j'abattrais pas des arbres et que je me chaufferais comme ça. Et sauf que je l'ai fait. Et ils ont posé les mains sur les tuyaux, ils ont vu que un simple tas de bois était capable de faire monter de l'eau à 60 degrés. Et ils ont été bluffés. Et du coup, le propriétaire qui était de ce terrain, et je lui ai dit, bah écoute, si tu veux me rendre service, vends-moi un morceau de terrain sur lequel j'aimerais continuer plein d'expériences. Et c'est ce morceau de terrain. Et voilà, on a une serre là de 60 mètres carrés sur lequel on obtient juste des résultats fabuleux. Sur ces 10 mètres, j'arrive à faire plus de 200 kilos de tomates. Enfin, vous voyez, il y a profusion de légumes alors que bon, on est aux endroits, au moment les plus difficiles de l'année. On a tout un tas de choses sans aucun problème. Et sans engrais. Si un engrais très très important, c'est le respect de la terre, c'est le respect en fait de la nature. Pierre, moi je vois quand même pas mal de consommables là, de petites poules en plastique. Hein, je suis pas la police et la détection du consommable, mais pas de souci. Ouais. Justement, ça fait partie des réflexions. C'est toujours de savoir arbitrer sur qu'est-ce qu'il faut faire de manière manuelle, qu'est-ce qu'il faut faire de manière mécanique. Aujourd'hui, on ne sait pas nourrir l'humanité sans mécanique. Quand on parle en fait qu'on fait 8 tonnes de blé à l'hectare, ce qu'on oublie de dire, c'est quelle est la part carbone de ces calculs-là. Et ben là, c'est la même chose. C'est oui, il y a du consommable. Oui, il y a des pots en plastique. C'est des pots de récupération. Oui, il y a du goutte à goutte en fait qui est posé là. Mais le rapport coût sur la facture énergétique, il est sans commune mesure. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement la main d'œuvre en grande partie c'est vous et que le combustible c'est vous? Bah c'est vraiment en fait une histoire de boucle. C'est ce que j'essaye de vous expliquer à travers là les déchets. Donc on a jeté les déchets aux poules. Ce que je voulais vous montrer, c'est que derrière, c'est que les déchets des déchets, c'est-à-dire les excréments des poules plus en fait de la matière carbonée en fait au sol, et ben nous génère un produit qu'on va pouvoir transformer grâce aux insectes. Et ces mêmes insectes vont servir à nourrir la terre, à aider la terre en fait à bien évoluer, on va dire. Et puis d'un autre côté, on va pouvoir prendre une partie de ces insectes pour les redonner aux poules. Donc la boucle est bouclée. Et donc pour répondre à votre question, c'est cette notion de boucle où en effet je tire de l'énergie de mon sol et qui me permet en fait d'avoir de l'énergie pour que mon sol soit bien. Mais l'énergie, votre énergie, c'est-à-dire le temps que vous passez, pas seulement à produire, mais en tout cas à faire vivre vos poules, à nourrir ceux qui vous entourent, ce temps-là, ce temps de travail-là, il est important. C'est pour ça que je dis, est-ce que le combustible, c'est pas vous aussi? Je pense qu'un modèle comme le nôtre, c'est-à-dire deux adultes et deux enfants, eh bien, une personne qui prendrait un 80%, ça permettrait largement de gérer un outil comme celui-là. C'est clair? C'est clair, chef. Il n'y a pas de hiérarchie ici. L'année où j'ai eu ma fille, j'avais 22 ans. J'avais peur de pas y arriver entre l'école, ma fille, le boulot. Le mois d'août, j'ai fait des conserves tout le mois d'août pour pouvoir être sûre de tenir bon tout l'hiver. Je crois même que ça m'a fait accoucher parce que j'avais 500 mètres carrés de haricots et je les ai piochés la veille de mon accouchement. Enfin la veille, mais je savais pas que j'allais accoucher. J'ai accouché 3 semaines avant, mais je pense que c'est parce que j'ai pioché mes 500 mètres de haricots, je pense. Quand on me pose la question en disant « mais tu vas te passer dans la vaisselle ?» Mais pas du tout, pas une seule seconde. Je vais essayer de chercher dans la technologie, je vais travailler avec des gens de pointe pour arriver à avoir tous les outils avec le confort, sans impact sur la planète et sur mon entourage. Donc vous ne souhaitez pas que nous revenions à une société des années 50 ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai une machine à laver, un lave-vaisselle, et ils vont tourner sur le solaire dans pas très longtemps, avec de l'eau chaude solaire. On récupère de l'eau de puits pour faire marcher les machines, et on n'a pas besoin de beaucoup de produits, donc on rejette pas de saleté. Et en plus, les produits, on apprend à les faire sur le groupe droguerie, avec des produits sains, sans emballage, sans déchets, et en plus, ça coûte pas cher. Vous sortez du système un peu. Pas du tout, je suis complètement dans le système. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai dirigé des maisons de retraite, je touche une retraite. Je ne sors pas du système, je sors d'un système qui nous a enfermés dans le prêt à consommer. Et je m'excuse de le dire comme ça, mais du prêt à consommer qui était un petit peu de la merde. Et c'est tout de même exit la société industrielle, c'est-à-dire tout ce qui est toute la question de l'agroalimentaire, vous le mettez de côté. L'énergie, vous le mettez de côté. Sur l'énergie, on s'est beaucoup documenté, j'ai beaucoup appris. On a fait des stages en solaire. Mon mari est ingénieur, donc on ne repousse pas la technologie, on repousse la technologie qui est imposée par les multinationales pour faire de l'argent. C'est pas la même chose. On va faire chauffer un plat au solaire avec le cuiseur solaire, et on peut le faire aussi chauffer avec une cuisinière à gaz, au biogaz, fabriqué à partir de tous nos déchets. On va pouvoir cuisiner toutes ces conserves sans impact. Donc vous vous passez de toutes sortes de prestataires? Oui, le plus possible, c'est même un jeu. On le fait nous-mêmes. Je vais vous montrer les insectes parce qu'à mon avis, c'est quelque chose en fait d'intéressant. Faites attention aux tuyaux. Ben, on est devant des lombricomposteurs dans lesquels on met de la matière organique et dans lesquels il y a énormément de verre et qui nous permettent très très rapidement d'obtenir ça. Et ça sent le bois, ça sent l'humus. Et les vers, tous les insectes ont un rôle mais absolument capital dans les sols parce qu'ils trimballent avec eux des bactéries, ils aèrent la matière, ils ont des actions incroyables. Dans ces caisses-là, ce sont des reproductions. Alors là, c'est pareil, là, il y en a, voilà, donc c'est ces petits vers-là, voilà, petits vers de fumier. Et qui sont juste, alors qu'eux font un très gros travail en surface, qui vont dégrader la matière pour pouvoir la rendre accessible, non pas aux plantes, mais aux champignons. Parce qu'on a prouvé scientifiquement aujourd'hui qu'une plante n'est pas capable de se nourrir d'elle-même en fait dans le sol. Elle utilise les champignons mycorhiziens. Et vous avez pris combien de temps pour apprendre tout cela, tous ces savoirs? Alors c'est une question qu'on pose beaucoup et je m'étais dit que pour votre venue, il fallait que je trouve une réponse. Et la réponse, c'est dès le jour où j'ai commencé à marcher, mais ça c'est commun à toutes les personnes. Quand un individu veut marcher, il veut se rendre autonome. Et bien c'est la même démarche. Du jour où j'ai marché, je me suis lancé là-dedans. Ça répond à votre question ? Avec des couches lavables ou sans couches lavables ? Ah, je vois que vous cherchez en fait la dissonance cognitive et vous la trouverez forcément. Parce que on vit dans une société, moi je veux pas me couper du monde, je récupère des déchets de l'extérieur. Et ce sol-là, j'ai réussi à le recréer en moins de 3 ans, quoi. Donc en fait, et tous les scientifiques crient que c'est un crime contre l'humanité et contre la nature, ce qui est en train de se passer avec la disparition. Et or, moi j'ai un message d'espoir pour dire que c'est possible de régénérer les sols à partir du moment où on respecte des choses et qu'on ramène de la matière organique. Donc tout est là pour le déjeuner. On couvre quasiment 100% de nos besoins en fait en maraîchage. Après, ce qui dans l'autonomie, si on prend vraiment la meilleure définition que j'ai trouvée de l'autonomie, c'est que lorsque la courbe des besoins vient percuter la courbe des moyens. C'est vraiment quand on a ce croisement là que on est en fait autonome. Or, aujourd'hui, on est dans une société où la moindre chose qu'on mange est issue de plein de filières différentes. Et quand on regarde une alimentation même de quelqu'un qui veut manger bio et tout ça, il fait appel à énormément de produits qui viennent un peu partout. Vous mangez un carré de chocolat, ça vient en fait souvent de l'autre côté de la planète. Vous mangez des bananes, ça vient souvent en fait de l'autre côté de la planète. Je suis pas en train de pointer du doigt un dysfonctionnement. Je pointe du doigt un modèle qui est lié au pétrole et qui risque en fait de poser problème. Alors quand vous me dites est-ce que vous êtes autonome, je pourrais quasiment être autonome, sauf que il y aurait pas une variété, il y aurait pas la palette qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Voilà. Soyons très concrets pour ce déjeuner. Qu'est-ce qu'on peut bien choisir là dans ce potager à cette saison? Nous sommes mars. Je vous propose en fait un truc, c'est que je vais aller vous chercher des poches et vous allez ramasser vous-même ce qui va vous inspirer. Ça c'est de la mâche. Là-bas vous avez des épinards. On a plusieurs sortes de salades de ce côté-là. Donc on peut manger des épinards, on peut manger une salade de mâche. On a du persil là-bas au fond. Il y a Et des jolis brocolis derrière nous. Mais allez-y, vous servez-vous, hein. Faites. Moi, je peux presque tenir la perche là sur ce coup-là, non? Si vous voulez. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est le feu, exact. Donc, vous avez 15 minutes individuellement pour faire un feu. C'est parti. Jean-Louis. Bon colonel. On va tous mourir. Oui, de quoi on parlait? Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que... Oui, on est dans un système à l'heure actuelle qui est à bout de souffle. Puisqu'on a quand même eu la chance depuis 150 ans, un peu moins de 150 ans, d'avoir un truc qui s'appelle le pétrole, qui a permis de faire des milliards de choses. Donc là, à l'heure actuelle, c'est pas compliqué. Hein. Si on avait tous voulu venir en stage autrement qu'en voiture, on aurait pris entre une semaine et 15 jours à pied ou à cheval pour arriver. Donc le stage de survie, à la limite, il n'y avait pas besoin de le faire, on l'avait fait en route. On sait très bien qu'on n'aura jamais demain le pétrole pour continuer pendant 50, 100, 200, 300 ans à vivre avec le niveau de vie qu'on a à l'heure actuelle. Donc forcément, il va y avoir effondrement, je ne sais pas, bond en arrière, sûrement. La seule question qu'on se pose, c'est quelle va être la longueur du saut. Donc à partir de ce moment-là, l'effondrement et l'autonomie, forcément, ils existent. Puisque l'autonomie, elle n'est pas là pour durer une éternité, mais au moins, elle est là pour... Moi, je me considère comme quelqu'un qui essaye d'être autonome pour absorber le choc. C'est ce que faisaient nos grands-mères. Moi, j'ai connu ma grand-mère avec ses litres d'huile, ses kilos de sucre, parce qu'elle avait connu la guerre. Nous, on ne connaît plus la guerre. Le pétrole nous amène tout. Le fait de participer à des stages dans la forêt, comme ça, en immersion... Voilà, franchement, sérieusement, entre nous, si demain, l'effondrement, on est au point de se retrouver ici, dans les bois, à essayer de choper un sanglier au coin du bois et de ramasser trois champignons, excusez-moi, alors désolé pour l'expression, hein, mais franchement, on est dans une merde noire. Donc, non, j'espère effectivement ne jamais en arriver jusque-là. Si demain, je devais dire à ma femme et ma fille, on habite au fond des bois pour les 20 ans qui restent, là, franchement, je ne serais pas fier. Du syndrome d'Inette. Hein. C'est, ils font un tout petit feu avec du tout petit bois et des petites flammes, alors qu'il faudrait qu'il y ait une flamme de au moins 1 mètre à 2 mètres de haut. Vous avez vu, hein, on peut avoir beaucoup de fumée et sans feu. La fumée sans feu, ça existe vraiment. Et quand on vous dit faire un feu, c'est il faut un feu qui chauffe. Je suis à deux doigts de l'hypothermie, il me faut un feu qui ronronne, un feu qui envoie. Un feu, on doit être en mesure de l'allumer dans toutes les conditions climatiques. Mais là où ça va prendre tout son sens, de devoir allumer un feu, c'est évidemment quand on va être dans une situation dégradée, quand on va être dans une situation merdique. Valérie, est-ce que tu as ressuscité ta flamme? Hein ? Elle est belle. Elle est belle, là ? Elle atteint presque le mètre. Flora, est-ce que vous êtes sentie un moment percuté intimement par la question de l'effondrement? Cette question de l'effondrement, en fait, elle était présente en moi déjà sur l'effondrement individuel. J'ai connu des gens autour de moi que j'ai vus s'effondrer. Je me suis demandé, et j'ai pas vraiment trouvé de réponse satisfaisante, ce qui faisait que certains réussissaient à se relever, à rebondir, et d'autres n'y arrivaient pas, restaient effondrés. Il y a une métaphore qu'utilise Boris Cyrulnik que je trouve très belle, qui est la métaphore du tricot. La résilience, ça se tricote. Parfois, il y a des mailles qui sautent, il y a des accros. Et on dit souvent que c'est un processus et pas un état, la résilience. C'est jamais fini. Vous imaginez avoir des enfants alors que l'effondrement est proche ? Il y a quelques années, j'aurais été beaucoup plus lapidaire. J'aurais dit « je veux pas d'enfants ». Et maintenant que j'ai rencontré Mathieu, je me repose la question. Pour moi, les enfants, c'est la vie, c'est l'espoir. Et même si je ne me fais pas d'illusions avec cet espoir, justement, pour moi, c'est pas du tout les lendemains qui chantent, demain tout ira mieux, si on se serre les coudes. Et c'est plutôt au contraire, les temps vont être durs, la vie sera rude, mais on a envie, en tout cas moi j'ai envie, de me dire que je vais aussi donner naissance, éduquer, aider à grandir un enfant qui, lui, apportera autre chose à ce monde qu'une volonté de détruire la nature, d'en extraire toutes les ressources, mais plutôt d'essayer de prendre soin de la vie, en fait. De sa vie, de la vie de ceux qui l'entourent, des oiseaux, des arbres. Vous avez entamé un dialogue avec la nature, le vivant, différent ? Je pense que le plus important dans ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas d'entamer un dialogue avec la nature, c'est de me rappeler que je suis la nature. C'est plutôt, je me réintroduis dans la nature. Le scénario, ce serait un exode urbain massif, Pablo Servigne ? C'est un des scénarios possibles, mais on parle de scénario, donc c'est de l'ordre du possible, de l'imaginaire. Moi, j'ai quand même l'impression, je rencontre beaucoup de jeunes qui veulent plus travailler en ville, qui veulent plus participer à cette méga machine, qui veulent démissionner de sociétés d'informatique, d'ingénierie, etc. Qui vont s'installer, ils font des écolieux, qui font des collectivités, des associations, ou même qui s'installent en famille à la campagne. J'ai l'impression, mais il faut mettre des sociologues là-dessus et étudier la question, qu'il y a un grand mouvement d'exode urbain, ou peut-être des prémices, dans la Drôme, en Ardèche, dans la Creuse, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent. Beaucoup de gens se disent « Ah ouais, mais toi aussi, ah, tu cherches ça. » Et je sais que dans les villes, il y a beaucoup de collectifs qui se créent, des assos, des groupements de consommateurs, de citoyens, 10, 15, 20, et qui constituent des collectifs en ville en attendant de trouver un terrain. Et dès qu'ils l'ont, ils partent. Ils s'organisent déjà, prêts à partir. J'ai l'impression qu'il y a une forme de retour à la terre, mais qui ne doit pas non plus être idéalisée. Je pense que c'est pas un choix facile à faire pour tout le monde. Et je pense que ce qui arrête aussi beaucoup de gens, c'est au-delà des barrières mentales, parfois, est-ce que je vais être capable de le faire ? Est-ce que ça va pas être trop dur ? Est-ce que ça correspond à ce que j'imagine ? Il y a aussi des barrières physiques et matérielles. La terre coûte cher et la liberté coûte cher. On se pose beaucoup cette question avec Mathieu, puisque lui, par rapport à tout le temps qu'il travaille, gagne pas très bien sa vie. Mais c'est aussi un choix de sa part de rester libre. Cette liberté, elle coûte cher et on la paye tous les jours, y compris avec les soucis qu'on a, qu'on se fait, les inquiétudes qu'on a quant à notre avenir. Mais je pense que ça nous coûterait encore beaucoup, beaucoup plus cher que de se contraindre à vivre dans un système qui ne nous satisfait pas, qui nous donne l'impression d'être presque mort-vivant. À la recherche de l'autonomie. Un documentaire de Nejma Bouakra et Yvon Croisier. Avec Charles-Philippe, fondateur d'Invictus France, Julien, instructeur en vie et survie en milieu naturel, et les coéquipiers Jean-Louis, Franck, Johan, Valérie. Avec Flora Cloadic de la revue Yggdrasil, Pablo Servigne, chercheur interdépendant, Martinette, Pierre Delorme. Documentation, Anne-Lise Signoret. LSD, chargée de programme Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Kervron.